jamais voulu danser. Ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est observer ces gens. N'a jamais voulu danser avec ses corps prêts à tournoyer au premier jingle du disque jockey. Observer ces gens debout.